Nasreddin et l'aumône par Pierre Mille. Si vous faites l'aumône publiquement, c'est bien. Mais si vous la faites en secret, et que vous alliez vous-même à la rencontre des pauvres, c'est mieux. Ayant récité ce verset de la sourate deuxième dans l'arabe du Coran, Nasreddin le traduisit en turc pour les fidèles musulmans qui l'entouraient et qui n'entendaient pas l'arabe. Au-dessus de sa tête et devant lui et derrière lui, c'était la lumière verte de la mosquée verte à Brousse la Délicieuse. C'était tous les verts de la mosquée verte, à partir du bleu, un bleu plus profond que le bleu de Sèvres. L'un de ses auditeurs, Kenan le Riche, désignant une des inscriptions koufiques qui cimbraient la muraille, toute blanche sur ce vert merveilleux, et qui prenait la forme de cimetières, de piques, de haches, qu'on aurait cru brandies par des guerriers, Kenan le Riche demanda avec un sourire: ne pourrais-tu nous traduire celle-ci, Yaoja? C'était la signature d'un des artistes qui composèrent ces carreaux de faïence, semblables à des gemmes précieuses, qui les livrèrent aux flammes savantes de leur four. Et il avait écrit au-dessus de son nom: j'étais un marchand plein d'opulence, mais je vis cet art. J'y sacrifierai tout. Et voyez maintenant ce que j'ai su faire. Eh bien, dit Kenan, insidieux, tu le vois. C'était un marchand plein d'opulence. Et pourtant il n'a pas fait l'aumône, il l'avoue. Il a tout sacrifié. Il a mis toute sa fortune dans ses quelques tuiles vernissées. Il est vrai, reconnut Nasreddin, il est vrai. C'est que faire de la beauté est aussi faire l'aumône, mes amis. C'est sans doute pourquoi, insista malicieusement Kenan, tu te contentes, Yaoja, de regarder la beauté partout où elle se trouve. Que veux-tu dire? Demanda Nasreddin. Tu nous conseilles de faire l'aumône, Oja, mais tu ne la fais point. Mais je suis, répliqua naïvement Nasreddin, Oja, c'est-à-dire théologien. C'est donc à moi de recevoir des aumônes. Je ne dis pas non, je ne dis pas non. Mais le prophète a dit de son côté, si on te donne deux dates, donne-en une à ton prochain. Nous ne croirons à ta prédication que si tu prêches aussi l'exemple. Kenan, répondit Nasreddin, tu as raison. Loué soit Allah qui mit dans ta bouche ces justes sévérités. Dès demain, je ferai l'aumône, et avec toi, la paix. La paix avec toi, Oja. Donc, le lendemain, Nasreddin, ayant déterré de dessous son âtre le pot qui contenait les médjidiers d'argent fin, y prit un médjidier d'entre ces médjidiers, un peu rogné, mais encore de belle apparence. Où vas-tu avec cet argent? Lui dit sa femme Zeneb. Œuf de tortue, débauché, amant de chrétienne, perfide, ô toi qui ruines ta maison, ô toi, voleur de toi-même et qui me vole. L'envoyé de Dieu a écrit, répondit le Hodja, la prière nous mène à mi-chemin du paradis, l'aumône nous y fait admettre. Je vais faire l'aumône, Yazenib, je vais faire l'aumône. Sur quoi il s'en alla par sa route. Son intention était, suivant qu'il est enjoint dans la sourate, d'aller au-devant des pauvres sur les chemins pour faire l'aumône secrètement. Il n'était rien de plus pur que son intention. Cependant ses pas, guidés par l'habitude, le conduisirent vers le kiosque d'Abdallah le Kafedji, près du beau cimetière où est la source, et des turbées des vieux sultans où sont les cyprès. « Par Allah, » fit-il en soupirant, « où est le pauvre? Me faudra-t-il aller jusqu'à Koutaï pour voir un pauvre, tandis qu'Abdallah m'appelle? Qu'il est aimable, vu dans l'herbe, le cuivre rouge du samovar. Il est écrit, si tu possèdes deux dates, donne une date. Mais nulle part, il est écrit, tu marcheras jusqu'au bout du monde pour donner cette date. Mashallah, je suis bien fatigué. Or, voici qu'il veut venir à grands pas vers lui, un homme fortement barbu, de visage fort insolent, et qui portait un grand coutelas dans sa ceinture. Oh, boiteux, lui cria-t-il, arrête, arrête, ô malheureux orphelin. L'homme, qui ne boitait d'aucune jambe, mettant la main sur son couteau, au lieu de s'arrêter, marcha vers lui d'un air bien farouche en criant « Qui es-tu, toi, l'imbécile? Qui es-tu, toi, le courbeau qui croasse que j'ai perdu mon père et ma mère et qui n'en sait rien ?»« Ne t'en inquiète pas, » répondit bien vite Nasreddin, « et prends ce que tu prendras. » Donc, lui ayant glissé le medjidier dans la main, il s'en courut sans plus jusqu'au kiosque d'Abdallah le Kafedji, et Abdallah lui versa une tasse, deux tasses, trois tasses de café, et puis il resta, jusqu'à midi, à écouter Abdallah, qui jouait de la flûte. « Joue encore, Abdallah, » lui disait-il, « joue toujours. » Et ce soir, Boulboul, le rossignol, te le rendra. Alors je reviendrai. » Mais comme il allait rentrer dans sa demeure, il vit s'avancer vers lui, l'œil fort sévère, Kenan, Bachir le Borgne, Abdelkader, Hakim et tous les fidèles de la mosquée. Et on lui dit « Ne sais-tu pas, abandonné d'Allah, que c'est à Popov le Bulgare que tu as fait l'aumône ? Louange à Dieu !» répondit paisiblement Nasreddin. « Louange à Dieu ! Es-tu possédé du shaitan ? Aurais-tu bu le mastic comme un infidèle ? Te donner un médidier d'argent à Popov le Bulgare, le chrétien, l'assassin des musulmans, et c'est cela que tu appelles faire l'aumône ? Les chrétiens donnent aux chrétiens, les juifs aux juifs, les musulmans aux musulmans, tel est l'usage. Le lièvre ne nourrit point Papani, le vautour, qui dévore ses petits. Asseyons-nous, dit l'Hodja bien tranquillement. Je n'aime point parler debout. Or, ayant mis ses cuisses sur l'herbe verte, son derrière sur ses cuisses et sa taille sur son derrière, il prononça. Voilà ce que dit à ce sujet le saint Abdou Zahira, ainsi qu'il est rapporté par les hadiths, qui sont les paroles que Mohammed n'a point mises dans le Coran, parce qu'elles venaient non point d'Allah, mais de sa propre sagesse, en elle-même divine. La bénédiction sur lui. Sur lui la bénédiction. Il y eut une fois un homme qui partit de chez lui, disant « Je vais faire l'aumône ». Et voici qu'ayant pris son aumône, il le mit dans la main d'un voleur qui assassinait sur les routes. Et quand on le sut, la dérision de ses voisins fut sur lui. Mais il dit seulement « Je suis béni ». Il sortit encore le lendemain pour faire l'aumône, et voici. L'argent de son aumône, ce fut une prostituée qui le reçut. Et cette prostituée dénoua devant lui ses caleçons, croyant qu'il voulait son corps. Et elle s'enfuit tout étonnée, en voyant qu'il ne demandait rien en retour. Et cette fois encore, la dérision fut sur lui. Mais il cria « Je suis donc béni toujours ». Et il s'en alla de nouveau sur les routes. Et ce fut entre les mains de Zaïd el-Khalid qu'il déposa sa pièce d'argent. Entre les mains de Zaïd, l'homme riche entre les riches, plus riche que le sultan des Roumis. Et la dérision fut sur lui encore, la grande dérision. « Es-tu donc, lui demandait-on, comme cette souris qui disait, « Les petits ruisseaux font les grandes rivières », et se disant, pissa dans la mer. « Oh, malheureux, malheureux fou, en vérité tu es damné. Allah ne veut pas que tu fasses l'aumône. » Cependant, cet homme répétait « Je suis béni, je suis béni. » Et la nuit suivante, un de ceux qui lui avait dit « Ce voleur à qui l'homme a fait l'aumône est maintenant dans un monastère, plein de remords, parce qu'on lui a donné ce qu'il voulait ravir en versant le sang. Cette prostituée a passé un jour sans péché, un seul jour, parce qu'elle a eu un seul jour à manger sans livrer son corps, et Allah lui en tiendra compte. » Et Zaïd el-Khalid a songé toute la nuit, stupéfait. « Et quoi, un pauvre m'a aumôné comme si j'étais pauvre ? Je le suis puisque je ne donne rien. Je le suis, devant le ciel et les hommes, le plus pauvre des hommes. » Et il a fait l'abandon aux pauvres de la moitié de son bien. Voilà pourquoi cet homme que vous avez moqué ira au paradis. « Mais toi aussi alors, Hodja ? » dit Kenan, « toi aussi alors ?»« Il se peut, » fit modestement Nasreddin. « Le plus tard possible, autant que possible. » C'était Nasreddin et l'aumône par Pierre Mille.